C'est de beau le futur là. Non, non, écoute, écoute, écoute. Esthétique, impeccable. Y'a même les emmerdeurs du rap, bordel. Football. La vie c'est dur, je la surnomme béton armé. C'est nous la relève, le reste laissons-les parler. Esthésique c'est l'équipe, on encule le monde et ton crew de merde. Je vais te dégoûter, écoute, c'est du meurtre en couplet. Entre le bonheur et moi c'est la Palestine et l'Israël. Si mon son tue, c'est parce mes rimes visent la tête. J'espère toucher le pactole, partir au soleil. Passe-moi une bonne paire de grolles et j'arrive au sommet. Mon son c'est esthésique, pour la mix t'es pas habile. Le son dans les oreilles, fais gaffe la migraine arrive. Encule le monde volume 1, t'as compris le concept. Baisse les buts jacked et carotte les gens faibles. On veut être légendaire et atteindre des sommets. Pour le moment c'est pas gagné, on y est dans nos rêves. Yeah c'est la relève, partie de l'équipe. J'suis le verre de sky qui niquera ton tube digestif. C'est la relève, tu crois que c'était qui? Esthésique, emmerdeur, trahis mes fils qui okay. Au cash on l'a dû, okay. Déjà une vie d'adulte, okay. Aucune indulgence, okay. On passe des abus. C'est la relève, tu crois que c'était qui? Esthésique, emmerdeur, trahis mes fils qui okay. Au cash on l'a dû, okay. Déjà une vie d'adulte, okay. Aucune indulgence, okay. On passe des abus. Ça, ça peut pas, car on débarque en force. Ça arrive dans ton quartier, appelle les renforts. J'ai mis de la pub dans la street sur ton logo. Sur son en mode relève, en mode égotique. Ouais, une belle baraque, une belle ville. Donc, genre, tout ce que j'ai, c'est à dire de belles rimes. Belle rime, bête rime. Pour pouvoir rouler en rush, donc à toi, homie, je t'offrirai pas de rôle. C'est la relève, ne nous arrêtez pas de remettre. Demande au refrain, qui est-ce qui est trop frais? Je suis le trophée, comme tu fais, je suis trop fier. Okay. On vient pas de Saint-Tropez, mais on vient de Genève. Et ouais, c'est un peu opéré, man. T'es ma nécroman, c'est ça son chromie. Dédicace pour Chroman. On est des coquins, regarde nos coquins. Yeah. Pas du coca pendant que les jeunes sniffent la coke, man. Eh, petit, t'es bon, vraiment, c'est bon. C'est la relève, tu crois que c'était qui? Esthésique, emmerdeur, trahis mes fils qui okay. Au cash, on l'a dû, okay. Déjà une vie d'adulte, okay. Aucune indulgence, okay. On passe des abus. C'est la relève, tu crois que c'était qui? Raille mes fils qui okay. Cache on l'a dû okay. Déjà une vie d'adulte okay. Aucune indulgence okay. On passe des abus. J'ai les mains dans mes poches, mes baskets par terre. Les yeux dans le ciel, j'entends des promesses en l'air. Pour certains pas de bol, la vie a été mal faite. Moi je sais que mon temps je n'ai presque rien à refaire. À part ça, j'ai quelques lacunes. Je crois que tout va bien, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ici ça parle beaucoup, mais personne pisse très loin. Plutôt des pistes au lit, c'est pas ce qu'ils te font croire. Comme tu vois, je saute pas de joie. Plutôt c'est glauque, mais ça va pas trop mal. Y'en a qui sont au club, y'en a d'autres qui sont au coup. Vraiment des vrais casse-couilles, évite les cascades, les couteaux. Nous on casse tout. Je bosse impeccable, mot sur piste. Les bolos s'assis, mon rap tu subsistes. Trop de gens s'enflamme, tous des suspits. Tu kiffes pas ce son, alors appuie sur kit. C'est la relève, tu crois que c'était qui? Esthésique, emmerdeur, raille mes fils qui okay. Au cash on l'a dû, okay. Déjà une vie d'adulte, okay. Aucune indulgence, okay. On passe des abus. C'est la relève, tu crois que c'était qui? Esthésique, emmerdeur, raille mes fils qui okay. Au cash on l'a dû, okay. Déjà une vie d'adulte, okay. Aucune indulgence, okay. On passe des abus. C'est la relève, tu crois que c'était qui? Secteur, ah le plus en grandit hein, carrément, maintenant ça s'en fait cher. Ça fait des places de pleura et tout. Les carachés fois, les jumeaux par jour là, à demi attire. Ah le petit, ah c'est nos petits. La bonne relève, du bon rap les gars, du bon rap. 05 du bon rap man. 05 du bon rap.